Chapitre 260 L'interdiction du mensonge. Allah Ta'ala dit: et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Sourate 17, verset 36. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate 50, verset 18. 1542. Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: la sincérité mène aux bonnes œuvres, et les bonnes œuvres mènent au paradis. L'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un véridique. Le mensonge mène aux mauvaises actions, et les mauvaises actions mènent au feu. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Al-Bukhari et Muslim. 1543. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quatre caractéristiques font de celui qui les réunit toutes un véritable hypocrite. Et s'il n'en possède qu'une seule, il se sera doté de l'une des caractéristiques de l'hypocrite jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Quand on lui confie quelque chose, il trahit. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand il se dispute, il devient injuste. Al-Bukhari et Muslim. 1544. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: on imposera le jour de la résurrection à celui qui prétend avoir vu en rêve ce qu'il n'a pas réellement vu, de nouer deux grains d'orge, ce qui lui sera impossible. On versera du plomb fondu dans les oreilles de celui qui écoute les propos de gens qui ne souhaitent pas être entendus. Et on imposera à celui qui dessine ou sculpte des êtres vivants d'insuffler une âme à ses dessins et ses sculptures sans qu'il y parvienne. Al-Bukhari. 1545. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le pire des mensonges consiste à prétendre avoir vu en rêve ce que l'on n'a pas réellement vu. Al-Bukhari. 1546. Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu, rapporte ce qui suit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demandait souvent à ses compagnons s'ils avaient fait des rêves, puis ceux-ci les lui racontaient. Un matin, il nous dit: « Quant à moi, j'ai vu en rêve cette nuit deux personnes qui me dirent « Viens ». Je les suivis et nous arrivâmes près d'un homme allongé sur lequel un autre homme se tenait debout. Ce dernier fracassait la tête du premier avec une grosse pierre. Il allait à chaque fois récupérer la pierre qui roulait ça et là. À peine était-il revenu que la tête avait retrouvé sa forme initiale. Il recommençait alors à lui appliquer le même supplice. Je dis à mes deux compagnons: « Gloire à Allah, qui sont ces deux-là » Ils me répondirent: « Viens, viens ». Nous poursuivîmes notre route et nous arrivâmes près d'un homme allongé sur le dos. Un autre se tenait sur lui un crochet en fer à la main et lui lacérait un côté du visage de la commissure des lèvres à la nuque, puis du nez à la nuque et enfin de l'œil à la nuque. Il procédait alors de même sur l'autre côté du visage. À peine en avait-il fini avec un côté du visage que l'autre côté avait repris sa forme initiale, puis il recommençait à lui appliquer le même supplice. Je dis: « Gloire à Allah, qui sont ces deux-là ? » Ils me répondirent: « Viens, viens. » Nous reprîmes notre route et nous arrivâmes devant une sorte de four. Le narrateur pense que le prophète alayhi salatu wassalam a ajouté: on y entendait des bruits confus et des clameurs. Nous avons regardé dans le four et nous avons aperçu des hommes et des femmes nus. Lorsque les flammes les atteignaient d'en dessous, ils hurlaient. Je demandais: « Qui sont ces gens ?» Ils me répondirent: « Viens, viens. » Nous poursuivîmes notre chemin jusqu'à atteindre un fleuve. Le narrateur pense qu'il, alayhi salatu wassalam, a précisé « rouge comme le sang », où un homme était en train de nager alors qu'un autre, sur la berge, avait réuni un grand nombre de pierres. Après avoir nagé, le premier allait vers celui qui avait réuni les pierres et ouvrait la bouche une fois devant lui. Ce dernier y introduisait alors une pierre, puis l'autre retournait nager. Chaque fois qu'il revenait vers la berge, il se voyait introduire une pierre dans la bouche. Je dis « Qui sont ces deux-là » Ils me répondirent « Viens, viens ». Nous poursuivîmes notre route, jusqu'à arriver près d'un homme à l'aspect horrible, ou à l'aspect le plus affreux que l'on ait jamais vu, qui attisait un feu autour duquel il tournait en courant. Je leur demandai « Qui est-ce ?» Ils me répondirent « Viens, viens ». Nous continuâmes jusqu'à arriver près d'un jardin à la végétation dense et verte, possédant toutes les couleurs du printemps, et au milieu duquel se trouvait un homme si grand que je pouvais à peine voir sa tête dans le ciel. Autour de lui se trouvaient plus d'enfants que je n'en avais jamais vus auparavant. Je demandai « Qui est-ce ? » Ils, c'est-à-dire les deux hommes, me répondirent « Viens, viens ». Nous continuâmes jusqu'à arriver enfin près d'un arbre plus immense et plus beau que ceux que j'avais vus jusque-là. Ils me dirent « Grimpe ». Nous grimpâmes jusqu'à atteindre une ville dont les briques étaient d'or et d'argent. Arrivés devant la porte de la cité, nous demandâmes qu'on nous ouvre la porte, ce qui fut fait. Une fois à l'intérieur, nous rencontrâmes des hommes dont une moitié du corps était de la plus belle apparence et l'autre du plus vil aspect. Mes deux compagnons ordonnèrent à ces hommes d'entrer dans un fleuve. Il y avait en effet une rivière qui traversait la ville et dont l'eau était blanche comme le lait. Ils y plongèrent et lorsqu'ils revinrent, la partie vile de leur corps avait disparu. Ils étaient devenus très beaux. Mes deux compagnons me dirent « Il s'agit là des jardins d'Éden, Aden, le paradis. Et ceci est la place que tu y occuperas. » Je levai les yeux et aperçus un palais semblable à un nuage blanc. Ils me dirent « Ceci est ta demeure. » Je répondis « Qu'Allah vous bénisse, laissez-moi entrer. » Ils répondirent « Le moment n'est pas encore venu, mais tu y entreras bientôt. » Je dis « J'ai vu cette nuit des choses étranges, de quoi s'agit-il » Ils dirent « Nous allons te répondre. Le premier homme que tu as rencontré dont la tête était fracassée à coups de pierre est un homme qui a délaissé le Coran après l'avoir appris et qui ne se réveillait pas pour accomplir les prières obligatoires. Quant à celui que tu as rencontré ensuite et dont on lacérait le visage, de la bouche à la nuque, puis du nez à la nuque, et enfin de l'œil à la nuque, il s'agit de celui qui sortait le matin de chez lui pour proférer des mensonges qui étaient ensuite colportés à droite et à gauche. Les hommes et les femmes nus qui se trouvaient dans ce qui ressemble à un four, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Quant à celui que tu as vu en train de nager dans le fleuve et à qui l'on faisait avaler des pierres, il s'agit d'un homme qui prenait des intérêts, riba. L'homme à l'aspect horrible et qui attisait un feu autour duquel il tournait en courant, c'est Malik, le gardien de l'enfer. L'homme très grand qui se trouvait dans un jardin, c'est Abraham, Ibrahim. Et les enfants autour de lui sont les nouveau-nés morts selon la nature originelle, la fitra, c'est-à-dire l'islam. Dans la version d'Al-Barqani, nés selon la nature originelle. Le narrateur ajouta, des hommes dirent au prophète, alayhi salatu wassalam, « Ô messager d'Allah, qu'en est-il des enfants des polythéistes ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit, « Les enfants des polythéistes en font partie. » Les deux hommes ajoutèrent, « Quant aux hommes dont la moitié du corps était de la plus belle apparence et l'autre du pire aspect, ce sont les personnes qui accomplissaient à la fois des bonnes et des mauvaises actions, mais à qui Allah a pardonné. » Al-Bukhari. D'après une autre version d'Al-Bukhari, le prophète a.s. a dit « J'ai vu cette nuit deux hommes qui m'ont conduit vers une terre sainte. » Il cita le reste du hadith avec ses ajouts. « Nous poursuivîmes jusqu'à arriver près d'un trou creusé dans un mur ressemblant à un four, dont la partie supérieure était étroite, le fond large et sous lequel brûlait un feu. Chaque fois que les flammes montaient, les hommes et les femmes nus qui s'y trouvaient s'élevaient si haut qu'ils étaient sur le point d'en sortir. Lorsque le feu s'apaisait, ils y retombaient. Il dit par ailleurs, « Jusqu'à atteindre un fleuve rouge comme le sang, le narrateur cette fois est sûr de l'avoir entendu, au milieu duquel un homme se tenait debout alors qu'un autre se trouvait sur la berge avec devant lui des pierres. Le premier se dirigea alors vers la berge pour sortir du fleuve, mais le second introduisit une pierre dans sa bouche, le renvoyant dans l'eau. Chaque fois qu'il tentait de sortir, il l'en empêchait en lui introduisant une pierre dans la bouche. » Il ajouta également, « Ils me firent monter sur l'arbre et entrer dans une demeure plus belle que toutes celles que j'avais vues jusque-là, où se trouvaient des vieillards et des jeunes hommes. » Il dit aussi, « Quant à celui dont on lacérait la joue, c'est un menteur qui proférait des mensonges qui étaient ensuite colportés à droite et à gauche. Il subira le châtiment dont tu as été témoin jusqu'au jour de la résurrection. On trouve aussi dans cette version, « S'agissant de celui dont la tête était fracassée à coups de pierre, c'était un homme à qui Allah avait appris le Coran, mais qui dormait la nuit en le négligeant et ne l'appliquait pas le jour. Il subira ce châtiment jusqu'au jour de la résurrection. La première maison dans laquelle tu es entré est celle du commun des croyants, et celle-ci est la demeure des martyrs. Quant à moi, je suis l'ange Gabriel, Djibril, et voici l'ange Michael, Mikaïl. Lève donc les yeux. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit, « Je levai la tête et vis au-dessus de moi comme un nuage. C'est là ta demeure, » dirent-ils. « Laissez-moi y entrer, » demandai-je. « Il te reste un certain temps à vivre. Lorsque tu l'auras achevé, tu pourras entrer chez toi, » conclurent-ils. Al-Bukhari.